Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 54. De la négligence. La négligence est un péché opposé à la prudence. Dans quel cas est-elle un péché mortel? 1. La négligence est-elle un péché spécial? Être négligent, c'est manquer de la vigilance que l'on doit avoir, conséquemment la négligence est réellement un péché, et comme la sollicitude ou la vigilance est un acte spécial de vertu, la négligence, par une raison contraire, est aussi un péché spécial. Note. La négligence a proprement pour matière le bien qu'on est tenu d'accomplir, soit que l'on omette entièrement par défaut de soin un acte d'obligation, soit que l'on omette quelques circonstances nécessaires à cet acte. Fin de la note. 2. La négligence est-elle opposée à la prudence? La négligence est opposée, d'une manière directe, à la sollicitude ou à la vigilance, qui fait partie de la prudence, elle est donc opposée à la prudence elle-même. 3. La négligence peut-elle être un péché mortel? On lit dans l'Écriture, « Celui qui néglige sa voie tombera dans la mort. » Proverbe 19, 16. La négligence peut être un péché mortel, d'abord, du côté de ce que l'on omet, quand cette chose est de nécessité de salut, puis, du côté de la cause, dès que la volonté est si faible et si languissante qu'elle manque totalement de charité. Toutefois, lorsque la négligence consiste dans l'omission d'un acte non nécessaire au salut et qu'elle constitue seulement un défaut de ferveur qui n'éteint pas la charité divine, elle ne dépasse pas le péché véniel. Markandanarchive.org 2020. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.